qui sait ce qui est vrai, mais qui croit dans tout ça, qui peut dire jamais, même juste une seule fois. L'enfer, dis-moi, est-ce tout ça dans mes veines? Qu'est-ce qui coule? Est-ce la mort? Est-ce du sang? Même l'amour me fait peur. Tout va si vite, trop souvent, plus rien n'existe. Maintenant, si tout va vite, tout le temps, c'est que tu compliques ton présent. Avant j'avais peur, comme n'importe qui. Je brûlais ma vie comme tous les gens qui ont tout le temps. Tout était futile, les plaisirs faciles, la saveur exquise des interdits. Je ne sais plus si j'existe, mon avenir se fixe au coin de la rue, le paradis. Pour quelques dollars, je fais sauter les miroirs, je m'accroche à mes rêves, c'est mon histoire. Tout va si vite, trop souvent, plus rien n'existe. Maintenant, si tout va vite, tout le temps, c'est que tu compliques ton présent. Regarde-moi, j'ai peur comme n'importe qui tu sais. Oui, dis-le, comme n'importe qui tu sais. Oh, dis-le.